Chapitre 5. Noé Poisson. Quelle mystérieuse accointance pouvait bien exister entre ces deux êtres si dissemblables et placés aux antipodes de la société, François Damien et Henri d'Étiol? De toute évidence, ils ne se connaissaient pas. Et pourtant, devant les laquais étonnés, le richissime sous-fermier faisait monter dans son carrosse le pauvre hère aux vêtements presque misérables. Henri d'Étiol avait-il vu Damien au moment où celui-ci s'agenouillait devant le roi? Sur cette physionomie fatale, avait-il déchiffré l'énigme vivante qu'était cet homme? Et si cela était? Oui, si cela était, quels redoutables et secrets calculs l'avaient soudain poussé à saisir Damien au passage et à l'emmener avec lui? Laissons aux événements qui vont se succéder le soin, ou plutôt le droit, de répondre à ces questions. Laissons s'éloigner le carrosse du sous-fermier et, pour un instant encore, attachons-nous aux actes et aux pensées de Jeanne. Lorsque la jeune fille eut compris que François Damien venait vers elle, elle se rejeta en arrière avec une instinctive terreur. Elle regarda autour d'elle pour appeler Madame Poisson. Mais celle-ci avait disparu, ayant vu sans doute tout ce qu'elle voulait voir. 10 minutes se passèrent, puis une demi-heure, une heure. Damien ne parut pas. Rassurée alors, toute sa pensée se reporta vers la scène odieuse qui venait de se dérouler dans ce salon. C'en était fait maintenant. Elle devenait la proie d'Henri d'Étiol. 1 minute, elle songea à tout dire à M. de Tournehem, à son père, lorsqu'il viendrait. Mais quoi? N'était-ce pas du même coup le condamné? Son père lui défendrait de céder aux menaces d'Henri, cela était sûr. Et alors? Oh, alors, l'affreux petit homme aux yeux louches agirait promptement. « Que faire? Que faire ? » murmura-t-elle. « Je suis condamnée. Rien ne peut me sauver. » Chose étrange, ce n'était pas de devenir la femme d'Henri, de s'appeler dès le lendemain Madame d'Étiol. Non, ce n'était pas cela qui lui causait l'insurmontable horreur qu'elle sentait croître en elle de minute en minute. Ce qui l'effrayait, ce qui la faisait frissonner d'épouvante, c'est qu'elle sentait ou croyait comprendre que ce mariage était le commencement de quelque chose. Quoi ? Elle n'avait aucune idée de ce que ce pouvait être, mais ce devait être formidable. Quelque chose comme une profonde et souterraine machination où elle devenait un rouage inconscient, privé de volonté, le rouage d'une machine, ou d'une machine destinée à broyer quelqu'un. Mais qui ? Elle-même ? Oh non ! Monsieur de Tournehem ? Non plus. Qui alors donc? Devant qui Henri d'Étiol surgissait-il du fond de son ombre et dressait-il sa petite taille de gnome malfaisant? Oh, continuait-elle, je m'y perds. J'entre dans de la nuit et de l'effroi. Je tremble, j'ai peur, et personne près de moi à qui je puisse me fier. Personne pour me guider, me protéger, me défendre. À ce moment, on lui apporta une lettre qu'elle ouvrit d'une main fiévreuse. Elle était de M. de Tournehem. Son père la félicitait du mariage projeté, tout en témoignant quelques surprises. Il annonçait sa visite pour le soir, voulant passer l'après-midi à courir les magasins et acheter quelques colis fichés. Il faisait d'ailleurs un grand éloge d'Henri d'Étiol. La lettre tomba des mains de Jeanne, et elle éclata en sanglots. « Oh, mon père, mon pauvre père, tu me félicites! Oh, lamentable ironie !» Quelques heures s'écoulèrent. La soirée s'avançait. Contre son habitude, Madame Poisson ne vint pas rôder autour de celle qu'elle appelait sa fille. Madame Duhaussée s'abstint aussi de toute visite. Jeanne ne remarqua pas ses absences insolites et étranges en pareil jour, car elle devait être au courant de ce qui allait se passer le lendemain. Enfouie au fond d'un fauteuil, la tête cachée dans les deux mains, elle songeait. Son âme combative, son esprit audacieux, lui faisait envisager l'une après l'autre toutes les formes possibles d'une révolte. Peut-être finit-elle par trouver une solution. Car, soudain, elle releva la tête, une lueur d'espoir dans les yeux. « Oui » murmura-t-elle si bas qu'à peine pouvait-elle s'entendre. « Oui, pourquoi ne pas opposer la force à la force ? Puisque cet homme est une menace de mort, pourquoi ne pas le menacer à son tour ? Pourquoi un homme dévoué, loyal, ne se dresserait-il pas à son tour devant lui pour lui crier l'épée à la main ? D'Étiole, ce que tu veux faire est infâme ! D'Étiole, tu vas détruire devant moi les preuves de ton abominable calomnie, ou sinon, c'est l'épée qui décidera. Nous nous battrons jusqu'à ce que l'un de nous deux tombe mort. » Elle comprima son front à deux mains, comme pour en faire jaillir l'idée encore confuse. Soudain, elle poussa un cri de joie. « Sauvé ! Oh, ce jeune homme me sauvera ! Il sauvera mon père ! Ce chevalier ! Comment ? Comment ? Ah oui, le chevalier d'Assas ! J'ai lu dans son regard de flamme un tel dévouement ! Oui, oui, voilà le sauveur ! Oh, pourvu que je me souvienne de l'adresse qu'il a donnée au comte du Barry ! Ah, je me souviendrai ! Dussé-je pétrir mon cerveau à deux mains comme je fais de mon front ! Ah, j'y suis ! Sauvé ! Il a dit « aux trois dauphins, rue Saint-Honoré ». Elle bondit vers un petit meuble de Chine qui lui servait de secrétaire, saisit une feuille et, d'inspiration, en toute hâte, sans se donner le temps de réfléchir, elle écrivit. « Je ne vous connais pas et vous ne me connaissez pas non plus. Mais hier, dans la clairière de l'Ermitage, vous m'êtes apparu comme le type achevé des paladins de jadis, qui allait par le monde à la défense des opprimés, faisant la guerre aux méchants. J'ai en vous une confiance que je ne m'explique pas, mais qui est illimitée. Êtes-vous celui que je crois ? Ai-je bien lu sur votre visage et dans votre attitude que peut-être je ne vous serai pas indifférente ? Ah, venez, accourez sans perdre un instant rue des bons enfants. Venez, venez ! Quelle que soit l'heure de ce jour ou de cette nuit où vous recevrez ce mot, mais venez avant demain. Venez sans perdre une seconde. Demain, il sera trop tard. Si je vous ai inspiré la moindre sympathie, s'il y a dans votre cœur un peu de pitié pour une pauvre jeune fille, placée en face du plus effroyable malheur, si vous voulez écarter de moi l'horrible catastrophe suspendue sur ma tête, venez ! Je vous attends comme le seul homme capable de me sauver. » Et elle signa « La jeune fille en rose de la clairière de l'Ermitage ». En post-scriptum, elle ajouta « Rue des bons enfants, en face de l'hôtel d'Argenson. Demandez mademoiselle Jeanne-Antoinette Poisson. « Venez vite, oh, venez !» Sans se relire, elle plaça le papier parfumé dans une des enveloppes de satin dont elle avait coutume de se servir, écrivit la suscription et cacheta avec de la cire. « Qui va porter la lettre » songea-t-elle. « Un domestique ? Oh, non ! Louise ? Peut-être. Non, Louise est trop faible. » La poisson saurait tout et je me défie de la poisson. Elle joue en tout ceci un rôle que je ne connais pas. Oh, à qui me confier ? À ce moment, comme 5 heures sonnaient à une magnifique pendule en porcelaine de Saxe placée sur la cheminée, on heurta légèrement à la porte et, sans attendre la réponse, on entra. « Ne te dérange pas, fillette !» fit une voix d'homme éraillée et un peu rauque. « Ce n'est que moi, Moi, papa Poisson, le chéri de sa fille-fille. Cet ivrogne, murmura Jeanne en tressaillant. Oui, pourquoi pas. Pour un peu d'argent, il fait ce que je veux. Oui, voilà le messager. Il portera la lettre, et demain, il ne se souviendra même plus. Celui qui venait d'entrer était un homme entre deux âges, corpulent, court sur jambes, la face rougeaude, les yeux clignotants, la lèvre lipue. Il prisait à chaque instant. Sa figure, aux traits accentués par la nature, mais avelie par les passions basses, portait les stigmates du vice. Il était vêtu avec une richesse de mauvais aloi. Son habit, un peu trop éclatant, portait des traces de vin. Son gilet à basque était de satin, mais il avait des accrocs. Il avait des boucles d'or à ses souliers, mais ses souliers étaient boueux. Son tricorne était un peu posé de travers sur sa perruque. « Ouf !» dit-il en se laissant tomber sur un fauteuil. « Qu'il fait chaud !»« Et soif ?» dit Jeanne d'un ton câlin en venant s'asseoir près de lui. « Ma fille !» dit l'homme en riant d'un rire épais. « Rappelle-toi bien, une fois pour toutes, ce que dit papa Poisson, Noé Poisson. Eh bien, il fait toujours soif, été comme hiver, automne et printemps. La soif, vois-tu, c'est la grande amie de l'homme, car un homme qui n'a pas soif, eh bien, il ne boit pas, le malheureux. Et vous, vous avez toujours soif ? Dit Jeanne en surmontant le dégoût que lui inspirait le personnage. Toujours, ma fille. Mais comme te voilà gentille aujourd'hui, ce n'est pas pour t'en faire le reproche, mais toutes les fois que je viens ici, tous les 15 ou 20 jours, c'est à peine si tu adresses la parole à ton pauvre père. Ton pauvre père, ajouta-t-il en exhibant un ample mouchoir rempli de grains de tabac et en s'essuyant les yeux. Fût-ce la douleur ou le tabac qui pénétra sous les paupières? Il est certain que ses yeux, incontinents, se remplirent de larmes, de grosses larmes authentiques. « Tu vois, dit-il, j'en pleure. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, que j'ai toujours soif. Je ne sais trop comment cela m'arrive, mais plus je bois, plus j'ai soif. Seulement, voyons, racontez-moi vos petits chagrins. » « Mais comme tu es donc gentille aujourd'hui, fillette !»« Que voulez-vous ? » fit Jeanne en frissonnant. « Il y a des jours où je suis si heureuse que je tâche de rendre tout le monde heureux autour de moi. »« Ah oui, je sais. Il paraît que demain est un grand jour et qu'il faudra que je me mette sur mon grand tralala. »« Bon, mais si tu es heureuse, je ne le suis pas, moi. Comprends-tu cela ? » Je suis dans un jour de soif enragé et je n'ai pas d'argent. Vraiment ? C'est la vérité pure, à telle enseigne que mon ami Crébillon m'a soutenu tout à l'heure que j'étais ivre. Ivre, moi ? Tu vois, cela me fait pleurer. Il est sûr que rarement Noé Poisson avait été aussi ivre que ce jour-là. Jeanne se tordait les mains de désespoir. Poisson aurait-il assez de sang-froid pour porter la lettre ? Elle se posait cette question avec une angoisse grandissante. Mais, d'autre part, l'ivresse manifeste du personnage n'était-elle pas une garantie contre toute trahison ? Écoutez, fit-elle en prenant tout à coup son parti. Vous avez besoin d'argent ? Je vais vous en donner. Et elle fit luire aux yeux de l'ivrogne une bourse qui contenait une dizaine de louis. Poisson étendit vaguement les mains, tandis que son œil atone s'enflammait soudain. « Oh, oh !» dit-il simplement, mais sur le ton de la plus profonde tendresse admirative. « Cette bourse est à vous, à condition que vous me rendiez un léger service. »« 10 services, 100 services, 1000 et 1000 services !» « Prenez cette lettre, » continua Jeanne. « Bien, Lisez l'adresse. Rue Saint-Honoré. Vous y êtes ? Bien. Cachez la lettre dans la plus secrète de vos poches. Bien. Attendez. Refermons bien votre gilet. Maintenant, vous allez me jurer deux choses. Je les jure, dit Poisson en étendant la main. Attendez, s'écria Jeanne avec la patience d'une âme désespérée. La première, c'est de sortir de cet hôtel sans parler à personne. Vous entendez ? À personne. C'est dit. La deuxième chose que je vous demande, c'est d'aller jusqu'à la rue Saint-Honoré sans vous arrêter. Si vous voyez un cabaret, tournez la tête. C'est dit, fillette, à moi la bourse. Jeanne lui tendit la bourse que l'ivrogne soupesa un instant, qu'il porta ensuite à ses lèvres et qu'il finit par faire disparaître dans une de ses poches. La jeune fille joignit les mains. « Je vous en supplie !» ajouta-t-elle avec une telle ardeur que l'ivrogne en fut ému. « Faites que cette lettre arrive à son adresse au plus tôt !»« Je pars, » répondit Poisson. « Je veux que tous les diables de l'enfer m'étranglent si je dis un seul mot à personne d'ici, pas même à ma tendre épouse. Je veux être condamné à la soif à perpétuité si je m'arrête dans un seul cabaret avant que la lettre soit remise. » Poisson s'éloigna avec cette gravité spéciale des ivrognes qui ne veulent pas tituber. Jeanne, les mains jointes, une flamme d'espoir dans les yeux, le vit s'éloigner aussi rapidement que le lui permettaient les fumées qui obscurcissaient en lui le sens de la ligne droite. Noé Poisson était ivrogne. Il n'était pas mauvais cœur. Jeanne le savait incapable d'une trahison. « Dans une heure, songea-t-elle, le chevalier d'Assas aura ma lettre. Je suis sauvée !» Et lorsqu'une demi-heure plus tard, M. de Tournehem entra à son tour dans l'atelier-salon, elle courut, légère et gracieuse, à sa rencontre et se jeta, toute radieuse, dans ses bras. « Mon père, mon bon père !» Ainsi, fit M. de Tournehem en la serrant sur son cœur. « C'est donc bien vrai toute cette histoire que m'a racontée mon neveu ? Vous vous aimez ? Tu l'épouses ? Tu es heureuse ?» Jeanne, toute frissonnante, ferma les yeux et, d'une voix ferme qui rendait irrévocable l'affreux sacrifice, elle répondit : « Oui, mon père !»